qui ne grand habib talon quoi douk ci ben bureau tabac douk rek ne bonjour madame je cherche une carte postale dame ne ko setat donc i gagné nga ma dé tour bi naka la